Bonjour mes frères et sœurs, et ce vendredi, nous allons continuer notre étude sur les Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 21 et nous sommes rendus au verset 15. Et nous sommes dans cette partie du voyage de Paul où est-ce qu'il se rend vers Jérusalem. Il sait que c'est ces dernières fois qu'il passe par les différents petits groupes, différentes églises qu'il a établies, que d'autres ont établies, et il leur dit que c'est la dernière fois qu'il voit leur visage. Il sait qu'il va être lié, il sait qu'il va être mis en prison, qu'il va être persécuté, il sait que même il risque sa vie, mais il a dit « Je ne fais aucun cas de ma vie, je vais me rendre à Jérusalem parce que Dieu veut que j'aille à Jérusalem. » Je fais confiance à Dieu. Si c'est ça qu'il veut amener dans ma vie, c'est correct. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui se passe, parce que ce matin, il va arriver à Jérusalem. Nous allons voir de quoi est-ce que l'Esprit parlait par les prophètes comme Agapus. Et qu'est-ce qui va se passer et pourquoi ça va se passer. Donc, si vous voulez bien, nous allons commencer par un mot de prière. Notre Père du ciel, merci que tu nous as encore dirigés ce matin vers ta parole, cette parole qui est notre pain quotidien pour notre âme, pour notre esprit. Non pas qu'elle nous donne la vie, mais parce que nous l'avons déjà, mais cette parole nous éclaire sur le genre de vie que nous avons, et les effets de cette vie dans notre vie de tous les jours. Et quel est le but de cette nouvelle vie que nous avons reçue de toi? Donc, guide-nous pendant ces quelques versets ce matin que nous allons lire afin de pouvoir mieux te connaître et mieux te glorifier. Amen. Lisons ensemble, si vous voulez bien, le verset 15. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Mnason de l'île de Chypre, ancien disciple chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens se réunirent. Après avoir salué, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, toute la multitude se rassemblera, quand on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche. Alors, Paul prit ses hommes, se purifia, entra dans le temple le lendemain avec eux pour annoncer à quel jour la purification sera accomplie et l'offrande présenté pour chacun d'eux. Donc, Paul part de Césarée, où il était avec Philippe, l'un des sept, et il monte vers Jérusalem. Et en arrivant à Jérusalem, il va rencontrer Jacques, et les anciens de l'Église. Et là, il leur raconte en détail tout ce que Dieu a fait pendant son ministère parmi les non-juifs. Et au verset 20, je ne sais pas comment Paul s'y prenait, mais il réussissait à emmener les croyants à glorifier Dieu, qui est le but de tout le ministère, qui est le but de toute notre évangélisation, qui est le but de toutes nos activités chrétiennes. Quand ils eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Et c'était de bonne mise. Les Jacques et les anciens leur dirent, « Nous aussi, ça va bien ici, à Jérusalem. Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs se sont convertis. Ils sont tous zélés pour la loi. Mais une chose, ils ont entendu dire que toi, tu disais de ne pas observer la loi, de ne pas circoncer les enfants, de ne pas suivre les traditions, les coutumes des Juifs. Et ils ont entendu dire ça. Et ils vont savoir que tu es ici. Et ça va causer des problèmes. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ces quatre hommes-là qui sont ici avec toi, qui ont fait un vœu, et tu vas aller au temple avec eux, et que tu vas t'occuper de la cérémonie, tu vas payer pour leurs dépenses, et tu vas démontrer ainsi que toi aussi, tu es un observateur de la loi. Et on voit Paul le faire. Ça vous rappelle probablement les passages dans les Épîtres, où ce que Paul dit, avec les circoncis, je me suis conduit comme avec des circoncis. Il dit, avec ceux qui étaient sous la loi, je me suis conduit comme étant sous la loi. Paul ici est conscient que les chrétiens qui sont juifs sont troublés par le fait qu'ils ont entendu, ils croient que c'est vrai, que Paul dit de ne plus observer la loi aux Juifs, qui enseigne partout, à tous les Juifs qu'il rencontre, un peu partout, parmi les païens, de ne plus observer la loi. Est-ce que c'était vrai? Non, c'était faux. Mais il se battait pour dire aux Juifs, qui étaient parmi les païens, que les païens, eux, n'avaient pas besoin d'observer la loi pour être sauvés. C'est pour ça qu'il va dire, il dit que ceux qui sont circoncis restent circoncis, que ceux qui sont incirconcis restent incirconcis. Car la circoncision et l'incirconcision n'est rien pour être sauvé. Ça, il l'avait dit. Ça, il se battait avec ça. Il s'est battu à différentes reprises. Il est même descendu d'Antioche, une fois avec Barnabas et d'autres chrétiens d'Antioche. Il est allé voir les apôtres, vous vous souvenez? Et c'est à ce moment-là qu'ils avaient décidé ce qu'on vient de lire au verset 25. Les païens, on est d'accord qu'ils n'ont pas besoin d'observer la loi. On leur demande seulement de s'abstenir des idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche. Donc, ils leur demandent de s'abstenir de ce qui se passait dans les temples d'idoles. Et la raison, c'était afin de ne pas être une pierre d'achoppement pour les Juifs qui vivaient dans ces communautés-là. Donc, ce que nous voyons en arrivant, Paul veut complaire aux Juifs, veut démontrer aux Juifs que lui-même était encore observateur de la loi quand c'était nécessaire, qu'il n'était pas contre le fait que les chrétiens juifs observent encore de la loi. Et on a vu lui-même qui, à quelques reprises, qui veut descendre à Jérusalem pour les fêtes, qu'il a fait un vœu lui aussi, qu'il s'est fait raser les cheveux lui aussi à Chancré. Donc lui aussi était encore un observateur de la loi. Rappelons-nous que les Juifs sont en transition. L'Église juive ne sait pas encore complètement où tirer la ligne. Ils sont sauvés par grâce en Jésus-Christ, et croient qu'ils sont pardonnés, ils ont été baptisés au nom de Jésus, ils croient que Jésus est le Messie qui devait venir, Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire selon la loi et arrêter de faire. Donc, ça va prendre une génération avant d'arriver à comprendre tout ce que était bien de faire ou tout ce que la foi en Jésus-Christ leur permettait d'arrêter de faire. C'est ce qui s'est passé. Donc, voyons ce qui arrive maintenant. Je crois que tout le monde avait une bonne intention, là. Jacques avait une bonne intention, les anciens avaient une bonne intention, Paul avait une bonne intention, tout le monde a une bonne intention, là. Mais regardez ce qui va se passer à partir du verset 27. À la fin des séjours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi, contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple. Il a profané ce saint lieu. Car il avait vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville. Et il croyait que Paul avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue. Et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Donc, à la fin des séjours, je pense que les séjours, il parle ici des cérémonies religieuses qu'il y a eu dans le temple. Ça a duré 7 jours. Après ces 7 jours-là, quelqu'un dans le temple reconnaît. Des gens qui avaient vu Paul en Asie le reconnaissent. Et là, ils font une émeute en disant aux gens, « Hey, c'est lui le gars qui prêche partout, dans tout le monde. Il prêche contre le peuple juif, contre la loi de Moïse, contre le temple. Il a même introduit des Grecs dans le temple. » C'est une diffamation épouvantable. Et toute la ville est émue. Toutes les gens accourent auprès d'eux. Ils le saisissent et ils le traînent en dehors du temple. Ils ferment les portes. Parce que si effectivement il y avait rentré un païen dans le temple, il devait maintenant passer au grand nettoyage. Ils vont purifier le temple. Parce qu'un païen en rentrait dans le temple, dans le lien, jusqu'où dans le temple il est allé, mais il est entré dans le temple. Donc, il devait purifier le temple. Parce qu'un païen, c'était impur. Donc, il ferme. Tout le monde sort, il ferme les portes. Et Paul voit dans sa tête, wow, voilà ce que l'Esprit m'avait averti qu'arriverait. C'est en train de se passer. C'est en train de se passer. Mais nous allons continuer pour voir la suite et ensuite on va tirer quelques leçons. Lisons à partir du verset 31. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers, et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui, le fit lier de 2 chaînes, puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsqu'il Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait, en criant « Fais-le mourir !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement ? Et qui a amené dans le désert 4000 brigands? Je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Donc, le tumulte est tellement fort, il y a tellement de brouhaha dans toute la ville, que la police, le tribun et ses soldats vont vers le tumulte, vont descendre, ils vont aller voir qu'est-ce qui se passe. Ils arrivent là et ils voient bien qu'ils sont en train de battre à mort un homme. Et s'il ne serait pas arrivé, Paul serait probablement mort sous les coups. Et le tribun prend Paul, il le fait lier de chaînes et essaie de savoir qu'est-ce qui se passe, mais c'est tellement un brouhaha total qu'il ne sait pas. Donc, il le prend avec ses soldats puis il l'amène vers la prison, vers la forteresse. Et le tumulte est tellement fort qu'ils sont obligés de le porter. Et là, Paul demande la permission au tribun de pouvoir parler à la foule. Et le tribun est surpris qu'il parle grec, parce qu'il pensait que c'était une espèce de révolutionnaire égyptien. Mais Paul dit non, je suis juif, né à Tarse, une ville qui est assez importante. Qu'est-ce que ça dit cela à notre ami Luc? Qu'est-ce que ça dit à notre ami Luc et Théophile? Pourquoi c'est écrit là? Pourquoi Dieu a-t-il voulu que ce soit écrit là? Encore une fois, je crois que le but, c'est de démontrer que les chrétiens ne sont pas des faiseurs de troubles, ils ne font pas. Ils ne sont pas anarchiques, ils ne sont pas contre l'Empire romain. Tout ce qu'ils veulent, c'est tranquillement prêcher leur foi autour d'eux. Mais ils démontrent encore une fois que les Juifs, eux autres, sont anti-chrétiens. Ils soulèvent les peuples, les villes contre les chrétiens. Deuxièmement, ce que ça fait, Théophile devait se dire, comment ça, il savait tout ça? Ce qui se passe, ce n'est pas juste humain, là. Il y a du divin. Comment aurait-il pu savoir? Ça fait des semaines, des mois qu'on dit à Paul que Paul sait, je m'en vais à Jérusalem. Je vais être lié de chaînes. On va me persécuter. On va me faire du mal. On va me mettre en prison. Comment savait-il tout cela? Ça venait de Dieu, ça venait du Saint-Esprit, qui savait, et je vais aller un pas plus loin, qui orchestrait toutes ces choses-là, qui voulait toutes ces choses-là. Nous, en tant qu'humains, on a toujours juste une petite partie du grand plan de Dieu qu'on voit. Mais Dieu, lui, voit tout le grand plan. Dieu lui regarde le monde, je pourrais dire, totalement. Il voit toute la race humaine d'un bloc. C'est tout ce qui se passe dans tous les corps, dans toutes les villes, dans tous les pays, chrétiens ou non chrétiens. Il voit tout cela. Et lui voit toutes les pièces du jeu d'échecs. Vous savez, quand on joue aux échecs, on doit toujours regarder le jeu et savoir la position de chaque pièce, chaque possibilité que chaque pièce a pour pouvoir jouer une bonne équipe, une bonne partie. Dieu, lui, connaît tout cela. Et a emmené Paul, et là, il va emmener Jacques à faire des décisions. Et lui, il contrôle tout ça. Il emmène le tribun, et là, il va faire des choses. On va voir dans les chapitres qui vont venir, il va emmener Paul à Rome, finalement. C'est ce qu'il veut. Dieu est au contrôle, frères et sœurs, est au contrôle de vos vies, comme il est au contrôle de ma vie, comme est au contrôle de la vie de tous les croyants et de tous les incroyants. Le monde est un grand jeu d'échecs pour Dieu. Il déplace les pions pour sa propre gloire. Apprenons de plus en plus à lui faire confiance, peu importe comment il va nous déplacer sur son grand échiquier. Notre Père du ciel, merci encore une fois que tu nous montres que tout ce que tu avais planifié, tout ce que tu avais organisé est en train de s'accomplir. L'avenir n'est pas ténébreuse pour toi. L'avenir n'est pas inconnu pour toi. Elle a été créée par toi. Merci de nous montrer encore ce matin que notre destin n'est pas dans les mains des tribuns et de nos ennemis, mais dans tes mains. Au nom de Jésus, Amen.